Ta guitare est mal accordée et tu chantes tout à côté. Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. On fait rien de toute la journée. On fait rien qu'à se faire engueuler. Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. Le périph' est toujours bouché. Ça klaxonne toute la journée. Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. Mais les chiens sont plus amusants. Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. Vous êtes pas raciste, mais vous êtes pas sexiste, mais je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps. Bien calé devant la télé, vous reniez qui vous étiez. Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. Je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. Embryons améliorés, génétiquement modifiés. Personne va pouvoir longtemps. Personne va pouvoir longtemps supporter. L'économie mondialisée, les idées économisées. Personne va pouvoir longtemps. Personne va pouvoir longtemps. La propagande à la télé, les bimbos, les publicités. Personne va pouvoir longtemps. Personne va pouvoir longtemps supporter. Personne va pouvoir. Personne va pouvoir. Personne va pouvoir. De se faire oublier. Alors, toujours pas marié? Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter. T'as trouvé un appartement? Et le boulot, ça se passe comment? Je vais pas pouvoir longtemps. Je vais pas pouvoir longtemps supporter.